y a des nuits qui protègent, et il y a des nuits qui blessent. On s'endort d'ordinaire en se disant que la nuit va nous mettre à l'abri, qu'elle va fermer la parenthèse du jour. Mais dans un pays en guerre, la nuit aussi peut devenir un danger. Elle n'apaise pas, elle peut inquiéter, elle ne couvre pas, elle peut révéler. Le corps reste en alerte, même quand il voudrait s'abandonner. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sommeil fragile, d'un sommeil qui se cherche, d'un sommeil qui a dû survivre. Avec Anna, qui nous parle depuis l'Ukraine, Tcherniv, au nord de l'Ukraine, nous allons explorer ce que signifie dormir quand le monde autour change, quand tout devient instable, quand la nuit n'est plus seulement la nuit. Ce sera une conversation douce et humaine, une parole qui ne dit que ce qu'elle veut dire, une respiration au milieu du chaos. Merci d'être là pour écouter sur Radio Fadjet et merci à Anna pour sa confiance. Alors Anna, comment ça va? Oui, bonjour. En général, ça va, merci. Et vous? Ça va bien. Donc tu es à Tcherniv. Alors pour que les auditeurs puissent saisir, Tcherniv, c'est au nord de l'Ukraine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, quelle est l'atmosphère actuellement à Tcherniv? Parce que j'ai entendu là tout à l'heure, il y a eu des coupures d'électricité. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a beaucoup de coupures d'électricité. C'est pour ça que je ne suis pas maintenant à la maison comme j'ai planifié. Je suis dans un petit bureau de mes parents. C'est pour ça que je vais... j'ai là de l'électricité. C'est pour ça que je peux parler librement à propos de ce sujet. Voilà. En général, ce que je vois dans les rues, les gens sont assez un petit peu irrités à cause de l'électricité, à cause de la coupure d'électricité. En plus, il y a du bruit des générateurs qui est des batteries portatives qui nous donnent un peu d'énergie pour avoir un peu plus d'électricité comme ça. Mais en général, la vie de notre ville est un petit peu changée, bouleversée par l'invasion. La ville a été changée depuis des années comme ça. D'accord, merci. Et donc la question du sommeil, c'est le sujet de notre podcast. Comment est-ce que tu dors? Comment est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on arrive à trouver le sommeil? Comment ça se passe? Tu parlais du bruit. Peut-être qu'il y a d'autres phénomènes. Comment on dort? En général, le sommeil a été bouleversé depuis l'invasion russe. Maintenant, comme le sommeil, je dirais que c'est un sujet assez sensible pour les Ukrainiens, parce que les nuits ne sont pas juste pour réparation pour le corps et l'esprit. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un espace un petit peu de vigilance constante. Pendant les bombardements, notamment, c'est ce qui est effectué, il est impossible de dormir. Mais parfois, il y a des alertes pendant la nuit. Sinon, je vais parler à propos de Tcherniv parce que j'y habite. À Tcherniv, des alertes et des sirènes sont dans la plupart des nuits. Et nous essayons quand même d'être informés à propos des bombardements, à propos des drones et tout ça. Si nous entendons des bruits de drones, nous prenons des mesures plus sérieuses, des mesures sérieuses. Quand même, dans ce cas, nous devons changer notre, je dirais, logement pour la nuit. Donc, nous devons aller au couloir. Et s'il y a des bombardements vraiment très actifs, nous devons descendre à l'abri pour que tout soit en sécurité, je En dirais comme sécurité. ça. D'accord. Est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'il y a des conséquences sur les rêves? Est-ce qu'on en rêve de la guerre ou est-ce qu'on arrive à oublier un peu pendant le sommeil? Oui, très souvent, par exemple, très souvent, quand il y a des bombardements à Tcherniv, j'ai ma mère qui dort dans la chambre suivante et qui me dit, ah bah pendant la nuit, j'avais un rêve qu'il y avait des bombardements. Après, elle s'est réveillée, elle a vu sur Internet, sur les chaînes de Telegram, qu'il y avait vraiment des bombardements, il y avait des sons, des bruits. Et c'est pour ça, je pense, que maintenant, notre cerveau essaie de s'adapter aux conditions vraiment très fragile, très sérieux, des conditions très sérieuses. Et c'est pour ça que parfois il y a des rêves, même des rêves qui sont liés avec la guerre, les bombardements, même des bruits de drones. Et donc, tu parlais d'un abri, donc ce sont des abris où les gens peuvent se réfugier, mais aussi dormir. Est-ce que c'est devenu, je ne sais pas, une espèce de dortoir ou comment ça se passe, ces abris, pour le sommeil? Il existe des abris comme public, comme par exemple dans les écoles ou par exemple dans d'autres endroits qui sont vraiment privés pour l'abri. Mais par exemple, dans chaque immeuble, Le plus souvent, il y a le sous-sol où c'est possible juste d'être en sécurité. Je ne peux pas dire que c'est pratique de dormir ou quelque chose comme ça, que c'est bien adapté à dormir. Il y a quand même, on peut apporter quelques chaises, on peut apporter quelques chaises longues pour voilà, nous sentir un petit peu plus au confort. En général, les abris, certains abris sont bien équipés. Par exemple, je faisais mes études à Kyiv et dans notre résidence universitaire, il y avait la possibilité de descendre à l'abri qui était bien équipé avec des lits et avec les couvertures, avec tout ça. Donc, c'était bien pratique quand il y avait des alertes. Donc, je descendais et j'essayais de dormir. Voilà. D'accord. Et donc on dort plus, on dort bien, ou est-ce que le corps finit par s'habituer peut-être parce que le sommeil au début, je ne sais pas, peut-être qu'au début de la guerre c'était plus compliqué, et puis au bout d'un moment il y a eu une habitude qui s'est faite. Oui, il y a une habitude et à vrai dire, j'ai peur de cette habitude parce que parfois, quand je vais dormir, je regarde sur Internet s'il y a des petites anticipations qu'il y aurait des voilà, s'il y a quelque chose sur Internet qui peut nous anticiper qu'il y a le bombardement quelque chose, on essaie de prendre des mesures quand même. Mais s'il n'y a pas d'anticipation, je dors. Voilà. Je vais dormir juste. Et en plus, après la journée de travail, et plus toutes ces nouvelles, je suis vraiment épuisée le soir. C'est pour ça que je vais dormir. Et s'il y a quelque chose, on se réveille pendant la nuit. Maintenant, je n'aime pas quand même cette habitude parce qu'il faut être plus sérieux au niveau de sécurité. Je comprends que peut-être le cerveau s'adapte dans ce cas pour ne pas être toujours dans l'anxiété ou dans du stress constant, parce que notre cerveau, notre corps, ils veulent de se reposer quand même. Voilà. Mais parfois, oui, je veux dire que j'ai peur de cette habitude de ne pas payer attention ou quelque chose comme ça, Parce comme que ça. tu confirmes que les bombardements, les attaques, c'est surtout la nuit. Enfin, quand on est en France, on a l'impression le matin, on regarde sur Internet, et on dit il y a eu tant de drones, tant de missiles. C'est surtout la nuit que les Russes attaquent. Oui, si on parle par exemple à propos des grandes villes, ça peut être tout le temps pendant les nuits. Mais moi, j'habite à Tcherniv, c'est presque à côté de la frontière entre la Russie et la Biélorussie. C'est pour ça, ce matin, j'ai entendu des sons des drones qui passaient par notre ville. Voilà, donc comme ça. Mais à Kyiv, surtout dans les grandes villes, à Kyiv, à Dnipro, à Zaporijia, d'autres villes, les bombardements peuvent être pendant les nuits. Est-ce que vous parlez de cette question du sommeil avec d'autres personnes, des gens de ta famille, des gens des copains, des copines, ou c'est quelque chose comme ça qui s'est banalisé, ou est-ce que d'autres personnes sont concernées par des troubles du sommeil, par exemple? Malheureusement, ce sujet est un petit peu banalisé, je dirais, mais j'essaie de parler avec mes proches, avec mes amis. Que maintenant, il devient le plus difficile de dormir. Voilà, parce qu'il y a toujours cette fatigue constate, je dirais, si je ne dors pas très bien. Voilà. Mais on essaie de parler de tout ça et même on a des petites astuces pour savoir gérer le stress ou savoir un petit peu améliorer les conditions de sommeil qu'on essaie d'utiliser. Mais parfois, ça ne marche pas. Mais j'essaie quand même de partager ce sujet parce que ce sujet est vraiment très important pour moi, parce que j'aime dormir, j'adore dormir. Pour moi, comme la possibilité de dormir, c'est la meilleure possibilité que je peux trouver pendant la journée. Voilà, quant à moi, j'aime bien prendre des petites siestes, si c'est possible, pendant une pause de déjeuner, quelque chose comme ça, juste 20 minutes, pour que le corps puisse un petit peu se reposer, se détendre. Voilà, pour certains, c'est comme ils peuvent dormir quelques heures et après aller au travail et ils sont assez actifs. Pour moi, parce que moi, je ne comprends ça. Et peut-être moi, je suis très émotionnellement, peut-être je suis comme très sensible, je dirais. Et pour moi, comme je suis très anxieuse et je ne peux pas juste comme de ne pas dormir. Pour moi, comme la possibilité de dormir, c'est une possibilité de méditation, je dirais, parce que voilà, pour savoir gérer le stress pendant la journée. J'étais en Ukraine il y a 2 ans à Venezia, dans le cadre d'un échange entre la ville de Nancy et Venezia. Et c'est vrai que le premier jour, je suis arrivé, donc on nous a donné des consignes sur ce qu'il fallait faire en cas d'alerte aérienne. J'étais à l'hôtel, il y a eu une alerte aérienne. Alors, c'est la première fois qu'on entend, c'est perturbant. Et donc, je suis allé tout de suite à l'abri. J'étais en pyjama. Et les personnes étaient surprises, ne comprenaient pas pourquoi j'étais là. Parce qu'en fait, des alertes aériennes, ça, il y en a tellement par jour qu'on fait plus attention. Et je me souviens, moi, d'être dans mon lit. Bon, je me dis, bon, il y a une alerte. OK, ça ne sert vraiment pas de chance que le drone tombe sur ma chambre. Est-ce que je vais me réfugier ou pas? Alors, la première fois, je l'ai fait. Je suis allé dans l'abri en pyjama. Les gens se demandaient, enfin, je me demandais où était l'abri. Et puis, les gens étaient surpris. Et en fait, on comprend assez rapidement que ces alertes aériennes, alors, c'était une sonnerie, une alarme dans la ville. Hein, c'était quelque chose de physique. C'était pas sur les réseaux sociaux. Qu'en fait, c'est banalisé et on ne fait plus attention, en fait. Et on voit pas, c'est pas parce qu'il y a une alerte aérienne qu'on va se coucher. En revanche, il y a un stress, une fatigue, enfin les problèmes se répercutent sur le sommeil et on voit quand même que ce sujet-là est latent et en plus il y a une anxiété comme tu dis et le sommeil c'est un peu un cercle vicieux dans lequel on tombe, c'est-à-dire qu'on est fatigué, on est anxieux et donc on dort moins bien et puis il y a ces nuits qui sont incertaines. Souvent aussi, c'est peut-être ton cas, il y a des proches qui sont sur le front donc il y a une inquiétude permanente sur ce sujet-là. Je reviens sur la question du rêve. Est-ce qu'il y a une nuit particulière qui t'a marqué, un rêve qui t'a marqué? En général, je ne me souviens pas mes rêves très souvent parce que parfois, dans la nuit, je peux en avoir quelques, trois, quatre. Je ne me souviens pas, mais je me souviens quand ma connaissance, ma camarade a partagé avec moi son rêve qui était lié avec les bombardements. Malheureusement, je ne peux pas mémoriser juste comme très précisément, mais je me souviens que c'était lié avec au bombardement et c'était comme c'est passé dans la ville. Après, je lui ai dit que peut-être il vaut mieux d'aller chez le psychologue, de parler à propos de tout ça, parce que ça peut être lié avec le syndrome post-traumatique. Voilà, parce que j'ai entendu que quand vous avez des rêves qui sont liés avec un événement tragique ou un événement assez stressant, quand vous étiez très stressé, comme ça peut dire que. Voilà, vous pouvez être ce trouble. Voilà, mais et quand il m'a expliqué les détails de ce rêve, j'étais vraiment très surprise comment le cerveau pouvait générer tout ça. Parce que c'était effrayant, à vrai dire, parce qu'il avait tous les détails, il voyait des gens qui criaient parce qu'il y avait des bombardements vraiment massifs dans son rêve. Et c'était vraiment effrayant. Moi, j'étais vraiment très. Voilà, très impressionné. C'est intéressant parce que ça montre que le sommeil est aussi un moment de vérité de nos jours et Oui. de ce qu'on essaye de refouler de temps en temps, qu'on essaye d'oublier. Finalement, le sommeil, c'est un moment où on lâche prise et on laisse parfois aussi ces pensées, ces événements qu'on essaye de cacher revenir à la surface. Est-ce que si vous vouliez donner un conseil à quelqu'un, c'est un peu étrange comme question, mais qui essaye de dormir en temps de guerre, qu'est-ce que vous diriez? À vrai dire, je pense que c'est une question qui est assez importante, je dirais, parce que même pour les gens qui ne vivent pas en guerre, ils trouvent des troubles de sommeil. Je pense que le plus important, c'est d'essayer d'être dans un espace chaud et bien conditionné, je dirais. Il faut peut-être boire du thé. J'adore boire du thé et ça me détend un petit peu. En plus, j'aime bien de faire des petites méditations, juste le son. Je trouve sur YouTube des petites méditations, je l'écoute, ou je peux avoir une petite méditation comme sans appareil, juste quand je me détends, je trouve le temps pour moi-même. Et c'est peut-être de ne pas manger beaucoup avant d'aller dormir, parce que notre organisme essaie de digérer tout ça. Et je pense que ça peut être la raison pourquoi la personne ne peut pas s'endormir. Et ce qui est aussi important, c'est peut-être si c'est déjà comme des troubles mentaux qui sont assez sérieux, je pense que c'est d'aller chez le psychologue ou le psychiatre, chez le médecin en général, pour qu'il puisse prescrire quelque chose qui est lié avec le sommeil, juste pour améliorer la routine de sommeil et aussi de partager toutes ces émotions, de partager tout ça, ce que vous avez dans votre euh, sur euh, comme sur le sommeil, sur votre vie en général, sur la guerre, partager avec quelqu'un, de parler, ça c'est très important de parler, même si par exemple vous êtes seul, vous n'avez pas d'accès d'aller parler à n'importe quoi ou quelque chose comme ça, si vous ne pouvez pas tout de suite téléphoner quelqu'un, à vos amis, à vos proches, je pense que c'est aussi très important d'écrire pour que vous puissiez voir quelles sont vos inquiétudes et aussi c'est comme de s'occuper de la santé mentale en général. Merci Anna, c'était très intéressant. Donc on voit aussi cette façon dont le sommeil dialogue avec l'actualité, dialogue avec, quand je dis actualité, c'est-à-dire ce qui se passe dans son pays, sur son continent, dans sa vie, dans sa ville. Comment le sommeil est en fait un objet mouvant, un objet politique, un objet qui ne plastique aussi, qui est à la fois un moment qui peut être un peu inquiétant, dans le même temps c'est un moment qui est recherché parce que c'est indispensable. Et c'est aussi un moment où on peut lâcher prise, et en même temps, ce lâcher prise peut aussi laisser cours à des rêves, qui peuvent être un peu inquiétants. Donc on voit ici comment le sommeil, qu'on pense être un moment biologique, est aussi toujours un moment un peu politique. Merci Anna, merci pour votre confiance, merci pour votre voix, pour ces morceaux de nuit que vous avez choisi de partager avec nous. C'est pas simple de parler du sommeil quand on vit la guerre, c'est pas simple de dire la peur, l'attente, l'incertitude, et pourtant vous venez de nous offrir quelque chose de précieux, un témoignage qui dit que même quand la nuit est lourde, il reste un espace pour respirer, pour espérer, pour survivre. À celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que dormir n'est jamais un geste banal, c'est un besoin, un refuge et pour certains, un combat. Si cet épisode vous a touché, si les mots d'Anna résonnent en vous, n'hésitez pas à les faire entendre à d'autres. La parole circule et souvent elle protège. Vous venez d'écouter Sleep Activist, la sieste, le podcast qui explore nos nuits, même celles qu'on ne voit jamais. Prenez soin de vous, prenez soin de vos nuits et à très bientôt.